siffler trois fois dans la journée. Je pourrais ne plus sourire et ne plus te parler. Mais si tu veux que l'on s'aime et habiter avec moi, vivre dans un bonheur suprême, chérie, continue comme ça. Mais si tu veux que je t'aime, que je t'emmène loin avec moi, il n'y a aucun problème, chérie, tu es sur la bonne voie. Je pourrais être cruel, plus que je l'ai déjà été. Je pourrais m'auto-mutiler si tu recommençais. Mais si tu veux que l'on s'aime et habiter avec moi, vivre dans un bonheur suprême, chérie, continue comme ça. Mais si tu veux que je t'aime, que je t'emmène loin avec moi, il n'y a aucun problème, chérie, tu es sur la bonne voie. À l'instant, cesser de respirer. Je pourrais te quitter, et même à tout jamais. Mais si tu veux que l'on s'aime et habiter avec moi, vivre dans un bonheur suprême, chérie, continue comme ça. Mais si tu veux que je t'aime, que je t'emmène loin avec moi, il n'y a aucun problème, chérie, tu es sur la bonne voie.